Bonjour, c'est Jeff Kino sur Radio Campus. Je vous invite à venir fêter mes 50 balais, mes 50 patates, mes 50 piges au Splendide de Lille le 6 mars avec pléthore d'invités. Le Black Note Big Band de Ronchin, Loïc L'Antoine, Franck des Marcel, Alex des Blaireaux, Philippe des Mauvaises Langues, Les Mauvaises Langues, Monsieur Rémy, Cécile Cognier de Cactus in Love, plein d'invités, William Schott. Voilà, vous allez adorer. Et ça va être énorme. Voilà, donc le 6 mars au Splendide, venez nombreux, ça va être une belle, belle soirée. Pas facile d'être un serial lover, romantique du paddock, tu restes final un beau joueur. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'Attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'Attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, il est midi en ce troisième samedi du mois de février, c'est l'heure d'Angle d'Attaque sur Radio Campus. Radio Campus à écouter sur 106,6 MHz, sur DAB+, ou sur campuslille.com, c'est comme vous voulez. Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Et Attaque a noté AC, l'association pour la taxation des transactions financières, pardon, et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, toute l'équipe est là, la réalisation technique Florent, qui choisit la pause médicale et nous fait partager son calendrier militant. René Lascience pour l'interview et pour les activités d'Attaque. L'interview, c'est aussi Ludovic, Didier et Christian. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Des élections municipales, mais attention, pas des programmes des candidats et des candidates, ça vous vous démerdez avec. Non, nous allons soulever la question de la démocratie dans les collectivités locales et dans les intercommunalités, en faisant l'hypothèse de départ, par construction si on veut, qu'il y en a de la démocratie. On va voir ça. Pour en débattre, nous avons contacté un journaliste de pas n'importe quel journal, je l'ose dire, puisqu'il s'agit de Médiacité. Et notre invité est son directeur. Merci Jacques Transeau d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un mot pour dire le pourquoi de votre présence, Jacques. Bien, 8 entretiens de Médiacité l'été dernier à propos de la démocratie locale. Entretiens avec des universitaires, économistes, géographes, politistes, etc. 8 entretiens précieux pour nous éclairer sur ce que sont et comment fonctionnent les collectivités locales et les intercommunalités aujourd'hui. Et puis j'imagine comme suite, mais ce sera à vous de le dire, un manifeste. Votre manifeste Médiacité pour engager la transition démocratique, dites-vous, manifeste pour une démocratie locale réelle. Cataclille a soutenu, je m'empresse de le dire. Le manifeste est détaillé en 25 mesures, quelques-unes d'entre elles évidemment, nous serviront de point de repère pour le débat. Un mot quand même de présentation de Médiacité avant d'entamer une première question. Oui, alors Médiacité c'est un journal en ligne, donc exclusivement sur internet, c'est médiacité.fr avec un S à citer. Médiacité a été créé à la fin 2016 à Lille, c'est un média d'investigation locale. Depuis nous sommes dupliqués en quelque sorte à Lyon, à Toulouse et à Nantes. L'idée est de proposer aux lecteurs par abonnement des enquêtes très approfondies, des scoops quand on en trouve, de l'info exclusive pour que les gens comprennent ce qui se passe dans leur environnement immédiat, parce qu'on s'est rendu compte que souvent on était mieux informé de ce qui se passait au niveau national et qu'au niveau local. Voilà. Et on est témoins tous de ça, en effet. Ludovic va poser une première question. Oui, alors qui dit élection dit participation. Et effectivement, comme on le sait depuis quasiment 30 ans, on observe que l'élection municipale n'est pas, c'est moins qu'on puisse dire, un oasis de participation. Et par exemple, à Lille, je crois, Martine Aubry a été élue il y a 7 ans avec 50%, je crois, de participation. Ah, les électeurs de Martine Aubry, c'est 16% finalement. Et quand on voit des quartiers à Roubaix, comme le Cul-de-Four, que nous connaissons particulièrement nous-mêmes, c'est 27,5% de participation à l'élection. Donc c'est la ville qui vote le moins, effectivement, aux élections. D'où peut-être cette question, est-ce qu'il y a des facteurs pour vous Jacques, est-ce qu'il y a des facteurs propres à la vie politique locale qui peuvent expliquer cette très faible participation ? Outre, bien sûr, les facteurs qu'on connaît en sciences politiques, sur le niveau de diplôme, etc. Mais est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que finalement, les gens ne sont pas forcément intéressés à la vie politique et du coup, à la vie politique municipale, du coup, ça peut expliquer pourquoi ils ne sont pas forcément très désireux de participer, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, peut-être ? Alors, cette question du niveau d'abstention, elle est fondamentale. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On citait Roubaix de tête. Le maire actuel, Guillaume Delbar, a été élu avec 6800 voix dans une commune qui se rapproche des 100 000 habitants. Donc vous voyez son niveau de légitimité ou d'illégitimité. On parlait de Martine Aubry. Dans certains quartiers, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'est dramatique. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de la population qui ne rentre plus dans le jeu démocratique. C'est-à-dire que ça ne vaut même pas le coup de participer. Même quand on va les chercher avec des démarches sincères, parfois, de démocratie participative, ils disent à quoi bon ? Ça sert à rien, c'est un simulacre, on ne veut pas être pris au piège, et donc on se détourne, on ne s'intéresse plus, on n'a plus d'espoir. Donc on est très très très très loin dans le rejet. Et on ne peut pas se satisfaire de ça. Et quand on regarde les taux d'abstention, notamment pour les municipales, qui jusqu'à peu résistaient sur ces 4 derniers scrutins municipaux à l'échelle nationale, on s'aperçoit que le taux d'abstention, même s'il est supérieur, le taux de participation, même s'il est supérieur à celui, par exemple, des élections régionales ou législatives, il monte de scrutin en scrutin. Donc il faut être vigilant, car même quand il y a la dimension de proximité, l'abstention continue de croître. Oui, Rémi Lefebvre, dans une interview qu'il a donnée à Mediapart, laissait entendre que c'était depuis 1989 que globalement, on a une tendance à la baisse qui est progressive et qui ne cesse de croître au fur et à mesure des scrutins. On verra ce qu'il en sera en mars. Oui. René, question. Oui, c'est aussi sans doute que la politique, il y a deux éléments. La politique est-elle vraiment lisible pour tout le monde ? C'est ce que critiquent des gens comme Fabien Desage. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui me semble montant, c'est les maires qui sont, a fortiori dans les grandes villes, des gens qui n'ont plus grand-chose à voir avec leur population, enfin la population de base, celle qui s'abstient notamment, c'est des catégories socio-professionnelles plus. Le maire, par exemple, le maire type d'Alva du Nord, avant l'enquête, c'était quelqu'un qui a 63 ans, qui est en retraite, et qui est, c'est pas dit, mais certainement de catégorie sociale supérieure et diplômée de supérieure. Donc, cet écart se creuse aussi également entre ces populations. Ouais. Donc vous soulevez deux questions fondamentales. La première, c'est la question de la lisibilité de la politique. En gros, on comprend plus. On ne comprend plus parce que c'est trop complexe. Les niveaux de responsabilité sont enchevêtrés et donc la lisibilité de l'action publique est proche du néant. On ne sait pas qui fait quoi. Et a fortiori, dans les intercommunalités qui sont montées en puissance, et ça, Fabien Desage, effectivement, professeur à l'Université de Lille en sciences politiques, le dit et l'a démontré, les intercommunalités sont des espèces de trous noirs démocratiques où on ne comprend pas comment les décisions sont prises. C'est particulièrement le cas à la métropole européenne de Lille. Ça a d'ailleurs été son sujet de thèse. Et effectivement, c'est une sorte de consensus, une alchimie étrange qui se négocie en bureau métropolitain entre différents groupes politiques. Il y en a une dizaine. Et tout d'un coup, une décision sort du chapeau et le public ne comprend pas. La deuxième question, c'est la question de la représentativité que vous posez. C'est-à-dire qu'on a des élus qui ne nous ressemblent de moins en moins. Et ça, Rémi Lefebvre, autre professeur de sciences politiques à l'Université de Lille, le décrit dans un ouvrage à paraître prochainement. Il dit que les élus, en gros, l'âge moyen de l'élu ne cesse de s'accroître. Donc l'élu est soit l'élu local, et soit un retraité, soit un professionnel de la politique, donc en gros, il a toujours évolué dans les appareils politiques, soit un fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire peut se mettre en disponibilité. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas représentatif de la population française. Et ça, c'est un vrai souci, parce que les Français ne se sentent pas représentés. Oui, donc effectivement, ça contribue. En plus, il y a aussi ce que j'avais cru comprendre, peut-être dans les interviews que vous avez données cet été, enfin l'été dernier, qu'il y a aussi le fait que les gens qui deviennent des élus sont déjà dans le mouvement des élus. Ils ont été adjoints ou ils ont été conseillers techniques ou auditeurs et qui à un moment briguent la place de maire. C'est, il y a aussi ça, quoi. Il y a une espèce de microcosme autour d'élections. Oui, une sorte de professionnalisation, c'est ce que j'appelle professionnalisation, avec des gens qui travaillent beaucoup dans des cabinets. Hein. Un maire s'appuie sur des cabinets, donc avec des collaborateurs de cabinets qu'il a choisis, qui assument des fonctions d'appui politique. Ces personnes-là apprennent le métier dans l'ombre des maires et puis après prétendent à la place. Donc ils sont quelque part formés. Ils peuvent tenir les rênes d'une municipalité, mais ils n'ont pas de vrai ancrage avec les réalités du terrain. Ils n'ont pas labouré le terrain comme il le faut, je pense, pour être un bon élu local. Une question de René. Oui, dans ce cas-là, on peut parler de technocratisation de la vie publique, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est une plaie. Et c'est très difficile d'aller à l'encontre de ça, puisque la politique se technicise. C'est quand même très compliqué. Hein. Donc il faut des compétences. Et du coup, on se dit, mais bon, alors c'est bien, il faut être professionnel, quoi. Donc, on insiste à l'émergence de professionnels de la politique. Mais les professionnels de la politique, c'est tout l'inverse d'une démocratie. Parce que la démocratie, c'est un homme, une voix, mais au-delà de un homme, une voix, c'est que tout le monde a des idées qui potentiellement peuvent l'amener au pouvoir. Et vous comprenez bien que l'écart est immense, parce que le seuil de compétence ne cesse de s'accroître. Donc il faut absolument arrimer un maximum de concitoyens pour pouvoir faire émerger ces fameuses idées et alimenter le débat démocratique. Donc il faut trouver des dispositifs nouveaux. Certains, en bon français, appellent ça de l'empowerment, c'est-à-dire, en gros, de la formation. Hein. Ceux qui ont envie de participer à la vie publique, ceux qui ont envie de faire preuve de civisme doivent quelque part bénéficier gratuitement d'un éclairage, d'une formation pour être citoyen. Donc une université citoyenne, je ne sais pas ce qu'il faut inventer, mais en tout cas il faut aller dans cette voie-là, sinon on ne pourra en rien parer la professionnalisation et la technocratisation de la vie politique. Oui, alors en effet, je pense qu'il y a cet aspect que le maire devient omnipotent, dans sa commune, mais aussi dans l'intercommunalité, on va y venir certainement, puisqu'on va parler de la Mel en particulier. Mais il y a aussi cet aspect qui me semble, enfin, pour moi, assez visible, que la formation doit se faire au niveau des élus, parce qu'on fait de moins en moins appel, j'ai l'impression, ou alors ils n'ont pas vraiment de pouvoir, aux conseillers municipaux, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vie véritablement démocratique, y compris dans le conseil municipal. Et aussi chez les habitants, d'ailleurs, pour pouvoir intervenir dans le débat politique. On a un exemple assez significatif à Lille, avec le projet Parc, que vous connaissez, mais là, on a bien sûr affaire de professeurs, d'intellectuels, enfin, qui savent s'adresser à la mairie. Mais ce n'est pas le cas dans les quartiers Moulins et autres. Enfin, voilà. Donc il y a ce problème de formation qui est soulevé là, et que vous souhaitez d'ailleurs dans le manifeste, dans une des 25 mesures, dans la catégorie 2, partie 2, oui. Dans ce manifeste, donc c'est le manifeste pour une démocratie locale réelle de Médiacité, que vous pouvez trouver en accès libre sur mediacité.fr. Effectivement, on a imaginé une formation pour toute personne qui souhaite se présenter au suffrage. L'idée, c'est qu'il y a de l'argent public qui est versé pour alimenter la vie démocratique. Et donc, quand on obtient plus de 5% de suffrage, on est remboursé d'une partie de ses frais de campagne. Hein. Donc là, la proposition, c'est sur les candidats. Mais on pourrait très bien imaginer de la formation tout au long de la vie politique, et notamment pour les nouveaux élus. Parce que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on sait du jour au lendemain tout le fonctionnement. La formation des élus est prévue. Quand on a examiné à la faveur d'enquêtes très approfondies la question, il y a beaucoup d'argent et on se rend compte qu'il n'est pas utilisé là où ça devrait l'être. C'est-à-dire, en gros, il y a une sorte d'appropriation par les partis politiques pour faire fonctionner les machines, plus que de la formation qui respecte la finalité des formations. Hein. Après, vous avez abordé la question de la concentration du pouvoir au sein des conseils municipaux sur la seule personne du maire. Et là, vous avez raison. Et on aborde cette question et on réfléchit à la façon de faire en sorte que ça change. Mais, si vous voulez, on vit une ère de personnalisation extrême et délirante. Parce que la démocratie, ce n'est pas une personne qui va changer avec une baguette magique. On critique, et on a raison, de critiquer l'hyper-concentration du pouvoir sur la seule personne de Macron. Mais moi, je suis désolé, dans les 35 000 communes de France, il y a plein de petits Macron. Il y a plein de petits Macron qui ont encore plus de pouvoir que notre président de la République. Pourquoi ? Parce qu'ils cumulent les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs. Pourquoi ? Parce qu'ils président également le conseil municipal. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui cumulait les pouvoirs du président plus celui de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est ce que vous avez au niveau des conseils municipaux. Si bien que le maire concentre énormément de pouvoir, il peut révoquer, sans justifier, un adjoint de sa délégation. Et il a encore plus de pouvoir parce que maintenant, il devient le référent de sa commune au niveau intercommunal. Donc, tout est concentré sur lui. Et ça, c'est pas du tout sain parce qu'un seul homme ne pourra jamais, jamais changer ce qui fait l'essence de la démocratie, c'est-à-dire le collectif, le débat, le dialogue, le consensus. Alors c'est une façon d'aborder, il y en avait d'autres évidemment, la situation dans les communes, mais il y a aussi la question des intercommunalités. Donc là vous frappez fort puisque l'article 1 de votre manifeste, c'est l'élection au suffrage universel des intercommunalités. Ce qui n'est pas sans problème, mais aujourd'hui, on voit, et on l'a entendu jeudi soir à l'École supérieure de commerce. L'École supérieure de journalisme, l'ESJ. Qu'il me pardonne. Voilà. Quatre élus communautaires. Madame Segard est élue communautaire également? Non, pas encore. Elle brigue les suffrages des Villeneuvois, donc elle se présente comme tête de liste verte à Villeneuve-d'Ascq. D'accord. Merci pour cette précision. En tout cas, des élus comme Daubresse, et puis bien sûr, comme maire, rue du Helgest, qui ont tous évité de parler de transparence, de mode d'élection, malgré les répétitions, en dépit des questions que vous avez reposées, que la salle a reposées, non, ils n'ont pas voulu parler de ça. Alors, dites-nous plus de détails sur cette situation, sachant effectivement que lorsqu'on fait le calcul, et vous l'avez fait, je crois qu'un maire de Warneton représente... Il a une voix comme voilà. N'importe quel maire. Alors, le fonctionnement de la métropole européenne de Lille mérite effectivement qu'on s'y arrête un peu, parce qu'il est extrêmement singulier. C'est-à-dire que la métropole européenne de Lille est composée de 90 communes, et en mars prochain, 95 communes. C'est unique en France. Et c'est ingérable. C'est ingérable parce que vous aurez donc demain, avec 95 communes, 190 conseillers communautaires. Pourquoi autant ? Comment ça s'organise le pouvoir dans une enceinte pareille ? C'est très difficile puisqu'il y a une règle qui découle d'ailleurs d'un amendement législatif porté par l'ancien maire de Roubaix, André Diligent, qui veut que chaque commune soit représentée. Si bien que la plus petite des communes, qui fait quelques centaines d'habitants, à au moins un représentant. Donc c'est un principe démocratique, tout le monde doit être représenté, mais c'est aussi une distorsion démocratique profonde, puisque les habitants de Warneton, la plus petite commune de la Melle, sont bien mieux représentés proportionnellement que ceux, par exemple, de la ville de Lille, de Roubaix ou de Tourcoing. Mais au-delà de ça, vous avez un système qui favorise les petits arrangements. Les petits arrangements entre maires. Quand vous êtes maire d'un village, eh ben, vous avez des soucis de maires de village. Et ce n'est pas déplaisant que de dire ça, c'est le constat. Et le souci des maires de village, eh ben, c'est de boucher les trous quand il y a des ornières dans la route, c'est de rénover une salle des fêtes qui fuit, voilà, et c'est normal. Hein. Et donc, on a, avec ce nombre de communes, une sorte de saupoudrage de politique, d'argent public, plus exactement, d'autant plus que la MEL est présidée par le maire d'une de ces petites villes, Damien Castelin, maire de Péronne en Mélantois, à peu près 900 habitants, ouais. qui est arrivé là par un coup de Trafalgar politique, que vous connaissez sans doute, je vous le répète en deux secondes. Donc Martine Aubry était la présidente, elle ne voulait pas perdre, elle a perdu, donc, enfin plutôt la gauche a perdu un certain nombre de villes en 2014, donc la gauche ne pouvait plus présider la MEL, et plutôt que de perdre l'ensemble du pouvoir, Martine Aubry a passé un accord avec le maire d'une de ces petites villes, pour ne pas perdre l'intégralité du pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas été bénéfique ni pour l'institution, son fonctionnement, ni pour la collectivité et pour les habitants. Parce que le nouveau président qui a été tout surpris d'hériter d'une collectivité de 2 milliards de budget, c'est un gros morceau, quoi. C'est la quatrième métropole de France. Donc on me mettrait dans sa position, je serais totalement incapable de faire ce qu'il a essayé de faire. Et c'était très compliqué pour lui. Et donc, du coup, la collectivité a eu énormément de temps avant d'essayer de sortir des politiques. Il est arrivé à la fin, à l'arraché, et on a perdu quasiment un mandat. Oui, alors c'est assez significatif. Quoi. Fabien Desage a écrit La politique confisquée en 2011. Je crois qu'il pourrait réécrire de la même façon aujourd'hui. Bien sûr. Hein, et puis de toute façon, ça a été confirmé dans un autre ouvrage d'Anne-Cécile Douillet et de Rémi Lefebvre en 2018. Bien sûr. Confirmé, et donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faisiez référence au débat que Médiacité a organisé à l'École supérieure de journalisme de Lille. Effectivement, les orateurs montraient plein de bonne volonté sur les politiques suivies, mais sur les modalités, sur comment réussir à les mener à bien, ces politiques, ils étaient un peu quoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main. Par exemple, sur le suffrage universel direct, c'est-à-dire, est-ce que demain, on ne doit pas élire directement les gens qui ont le pouvoir ? C'est quand même le béaba de la démocratie. Comme à Lyon, c'est ça ? Comme à Lyon. Lyon est l'exception. Pour l'instant, c'est une expérimentation. À Lyon, il se passe un truc très intéressant, c'est qu'il y a deux élections parallèles, avec des programmes différents, qui sont dimensionnés par rapport à la collectivité concernée. Donc, il y a l'élection pour la ville de Lyon, et il y a l'élection pour le Grand Lyon. Et le maire actuel de Lyon, qui s'appelle Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, il ne s'est pas trompé d'élection. C'est-à-dire qu'il vise, lui, le Grand Lyon, là où il y a le pouvoir. Mmh. Et bon, et comme il veut sécuriser ses arrières, il est quand même sur la liste, mais pas en tête de liste, pour l'élection municipale. Hein. Donc il aura quand même possibilité de... S'il perd au tirage, il pourra peut-être gagner au grattage. Mais cela étant, donc, à part Lyon, en France, on ne vote pas au bon niveau décisionnel. Depuis 2014, il y a un système de fléchage, et donc je vous invite à regarder attentivement les bulletins de vote, si vous comptez aller les voter les 15 et les 22 mars, et vous verrez que sous certains noms, il y aura une petite flèche qui vous indiquera que cet élu, il va siéger au niveau supérieur, à la MEL. Hein, mais personne ne le sait, ou très peu de gens le savent, et ce n'est pas suffisant. Donc il faut imaginer un suffrage universel direct, mais sauf que c'est la loi qui l'impose. Ce n'est pas les gens qu'on a eus à l'école de journalisme qui vont changer les choses. Donc ils sont un peu pieds et poings liés. Il faut, pour que la loi change, il faut vaincre des résistances énormes. Et parmi les gros lobbies qui résistent le plus à ça, l'AMF. Vous avez l'AMF, donc l'Association des maires de France, qui est un des lobbies les plus puissants de France, qui résiste parce qu'il veut préserver le pouvoir des maires, et des maires notamment des petites villes, parce qu'il faut bien comprendre qu'en France, on est dans un système très particulier, puisque à nous seuls, on a 40% des communes de l'ensemble de l'Union européenne, avec 35 000 communes. C'est un cas d'espèce. En moyenne, il y a 1800 habitants par commune. D'accord ? Alors que ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Résistance de l'AMF et puis résistance du Sénat. Le Sénat, n'oubliez pas, sa légitimité est souvent critiquée, à raison. À mon avis, on pourrait imaginer autre chose. Bon, c'est un autre problème. Et eux, ils résistent, parce que c'est la chambre des territoires. Et donc, si on donne trop de pouvoir aux métropoles, ils vont se sentir remis en cause. Voilà, il y a deux gros lobbies qui résistent. Mais il faudra bien qu'on y arrive un jour, avec un système peut-être à la lyonnaise. Oui, on sait que je fais référence à un des articles que Édouard Philippe et le président Macron sont assez favorables à cette élection au suffrage universel, mais effectivement, les lobbies sont tels que, enfin, les deux que vous citez, c'est quand même considérable à passer au-dessus, empêchent la situation. Mais donc, je reviens une seconde sur le pouvoir des maires, hein, puisque j'aime bien cette phrase. Je vais la citer quand même, puisque Mme Segar a parlé de conférence des maires. Et le maire de Châteauroux nous a dit un jour, à table, on était au rencontre internationale des villes de transport gratuit, et disait « Ah oui, vous parlez de la conférence des maires, ce cénacle qui a tous les pouvoirs et qui n'a aucune existence légale. » Enfin, c'était très significatif du pouvoir des maires, qui en plus n'ont très peu à rendre compte dans leur commune de ce qui se passe au niveau communautaire. Alors on pourrait dire, mais ils ont été élus, donc ils sont légitimes. Mais vous comprenez bien que des maires entre eux, ils s'arrangent, voilà, pour que ça se passe au mieux. Mais se passer au mieux, c'est je te vote sur cet aspect-là, tu me votes sur cet aspect-là, et on n'a pas de dynamique et de projet politique global pour une collectivité. Or, il y a un enjeu majeur, mais pour les gens, c'est-à-dire sur les conséquences que ça a. Parce qu'on a une métropole dont les inégalités sociales et spatiales s'accroissent. Et ça, c'est une aberration. Si on crée une métropole, c'est que tout le monde en bénéficie de cette structure. Et on a exactement l'inverse à Lille. C'est un cas d'espèce, là encore. Et il faut s'insurger contre ça. Ce n'est pas possible d'en rester. C'est une sorte de négation du fondement de la métropole. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Oh, pardon, René. Je voulais juste dire, il y a une question. Il y a cette situation assez peut-être paradoxale et en même temps confortable du maire qui est à la fois dans les intercommunalités, qui est aussi donc conseiller communautaire. C'est de pouvoir dire à ses administrés au niveau communal, moi je n'y suis pour rien, c'est l'intercommunalité qui a décidé. Alors qu'au niveau de l'intercommunalité, il est partie prenante dans les décisions. Il peut jouer ces deux tableaux. Bien sûr, ça c'est un sport national. C'est pas moi, c'est l'autre. Regardez, on a la même chose avec l'Europe. C'est pas moi, c'est l'Europe. Ben, on a la même chose au niveau communal et intercommunal. C'est pas moi, malheureusement, c'est pas moi, c'est la MEL. Voilà. Et ça, c'est pas sain. C'est pas sain. Donc on ne peut pas se contenter de renvoyer la patate chaude. C'est pas cohérent. Oui, en effet. Donc, la préconisation pour vous, c'est un vote au suffrage universel. Donc, ce ne sera pas pour ce mandat-ci, de toute façon, des intercommunalités. Mais il y a quand même un souci que je relève. 35 000 communes et quelques, qui sont passées en dessous de la barre des 36 000 maintenant, qui sont réunies quand même en 1263 EPCI avec droit de fiscalité. Oui. Ça fait quand même beaucoup moins de monde qui peut gérer une partie du pays, quoi. Et ce rétrécissement du nombre de chambres, d'intercommunalités, n'est peut-être pas sans poser problème, finalement. Alors, c'est pas forcément un rétrécissement, c'est un millefeuille. Donc, en nombre d'élus, c'est pas moins, c'est plus. Il y a à peu près 500 000 personnes qui sont des élus locaux en France. Là encore, c'est une singularité, c'est une force. Donc, ce qu'il faut, c'est réfléchir au bon niveau d'action publique. Là, je sors d'une conférence de presse d'un des candidats à Lille, qui s'appelle Marc-Philippe Debresse. Un des points forts de son programme, c'est d'avoir des budgets par quartier à Lille. Et donc, il divise la ville en 10 quartiers et il imagine une autonomie budgétaire et un vote par quartier. Parce qu'il estime que c'est à peu près à 10-12 000 habitants le bon niveau d'adhésion, d'appartenance, sentiment d'appartenance. Avec les intercommunalités dont on a refondu la carte pour gagner en efficacité. On a créé des très grandes intercommunalités qui ne sont pas toujours pertinentes. Et du coup, les maires, ils sont parfois un peu noyés dans ces grandes intercommunalités. Donc, le découpage géographique de la France en sphères et niveaux de compétences, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que il faut qu'on remette à plat la façon de travailler au meilleur niveau. Et ça, c'est politique par politique. Là, il y a un phénomène d'aspiration assez généralisé du pouvoir au niveau supérieur qui démunit un peu les maires. C'est pas sain non plus. Ils ont raison de râler. Mais je trouve qu'on n'a pas été assez clair dans la bonne répartition des tâches entre les différents niveaux, entre le millefeuille qu'on a créé. Oui, pas assez clair, mais surtout très peu pédagogue dans le domaine. Parce que qui sait qu'il y a 1264 communes, intercommunalités qui réunissent les 35 000 communes de France. C'est énorme. Je veux dire, c'est énorme de ne pas savoir ça. C'est parce que ça fait partie de la démocratie aussi, de savoir qu'on va s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, qui est le maire de la commune voisine. Voilà. Et on continue pour autant de s'adresser à son maire. Nous, on l'a vu à Roubaix, par exemple, Didier est témoin, si vous voulez. Lorsque la communauté urbaine a décidé de diminuer de 10% la subvention à Ilévia, au transporteur de transport public, il y a eu deux événements. Un tollé général dans un des quartiers de la Poténerie, 350 signatures pour une pétition, et le maire qui s'est précipité pour calmer ses administrés. Et en même temps, de l'autre côté, Myriam Coe, qui est donc conseiller municipal, dit « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez voté sans prendre conséquence du geste que vous avez fait. » Didier. Non, mais à partir de l'exemple de Roubaix, donc l'importance quand même de l'échelon de la commune et du département est quand même assez importante par rapport à ce qui est souvent préconisé maintenant, c'est-à-dire des grandes régions et des grandes métropoles qui, justement, ont une certaine attractivité économique. Donc, est-ce que cet échelon, justement, qui est peut-être dépassé maintenant, mais est-ce que ce n'est pas important d'un point de vue démocratique, quand même, avec ce qu'on peut dire du municipalisme et de tout ce qui est possible au niveau d'une commune ? Moi, je pense qu'il faut imaginer des instances de concertation, de consultation, de concertation, voire de co-décision au bon niveau, c'est-à-dire de proximité. Alors, qu'est-ce que c'est la proximité ? Dans les grandes villes, ça doit être sans doute des quartiers de grandes villes. Il faut au moins qu'à ce niveau-là, les propositions faites au niveau supérieur soient débattues. C'est le cloisonnement entre les différentes couches du millefeuille qui nuit. Il y a tout ce travail de rapprochement du public pour qu'il comprenne quelque chose et qu'il puisse peser sur les décisions, comprendre les décisions et peser sur les décisions. Donc pour moi, c'est là-dessus qu'il faut agir. Mais après, il y a 1000 autres modes d'action. On a proposé 25 mesures dans notre manifeste. Nous, on pense que par exemple, le cumul dans le temps, il faut être drastique. C'est pas normal que Martine Aubry se représente pour un quatrième mandat. Elle est à bout de souffle. Je suis désolé. Elle le sait, en plus. Mais elle n'a pas de solution parce qu'elle n'a pas préparé sa succession. Rudy Elgeste aussi, d'ailleurs. Mais Rudy Elgeste aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut faire autre chose. Il faut partager le pouvoir. Il n'y a pas que Martine Aubry qui peut diriger Lille, par exemple. Il n'y a pas que Rudy Elgeste qui peut diriger Mons, et ainsi de suite. Donc, c'est pas sain. Donc, nous, on est drastique. On ne propose pas plus de 2 mandats successifs. Voilà. Mais on a 1000 autres propositions parce que c'est vraiment changer le paradigme qu'il faut. C'est fondamental parce que la discussion, on l'a commencé sur l'abstention. C'est pas possible de se contenter de ça. C'est totalement, on se fragilise. La démocratie, c'est notre joyau. Il faut le défendre, il faut le préserver. Il faut que tout le monde. C'est notre princesse, la démocratie. Il faudrait que tout le monde la choie. Il faudrait que tout le monde s'en préoccupe. Et là, les gens se détournent. Donc il y a un problème fondamental. Oui, alors il faudrait changer quand même les attitudes, parce que moi, pour avoir participé au conseil de quartier à Lille-Centre, qui est 30 000 habitants quand même, hein, Lille-Centre, j'ai découvert la démocratie participative descendante complètement. Quoi. On était là, une chambre d'enregistrement pour approuver la décision qui est dans la mairie. Oui. Parce que les élus apprécient le pouvoir et n'aiment pas partager le pouvoir. Voilà. C'est pour ça qu'il faut des règles qui les empêchent de cumuler trop de pouvoir, soit en empilement, soit en espace-temps. C'est pour ça que je parlais du cumul dans le temps. Il faut les forcer, parce que c'est grisant. Et puis surtout, ils acquièrent une expertise, et puis ça finit par être leur vie. Martine Aubry, je ne peux pas focaliser sur elle, mais si elle s'arrête demain d'être maire de Lille, ça va être difficile de retrouver ses repères dans sa vie. Oui, on ne s'en fait pas pour elle, vraiment. Et sur Roubaix, par exemple, on a souvent, enfin, on parle des mobilisations dans les quartiers. Il y avait une interview de Julien Talpin dans Politis, donc au sujet de des mobilisations, par exemple, sur Roubaix, donc qui sont parfois soupçonnées d'être un peu communautaristes, quoi. Est-ce que au niveau des mobilisations dans les quartiers, qui pourraient justement influer sur le débat municipal, il n'y a pas des choses à faire également? Ben, si, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, il faut se méfier quand on utilise des termes qui sont mal définis. Je ne sais pas moi ce que c'est une liste communautariste. De dire, je ne sais même pas si elles existent vraiment. Non, apparemment, on en fait une gonflette. Par but électoraliste, donc il ne faut pas s'engouffrer dans la brèche. Mais évidemment, il faut faire des choses. Je discutais récemment avec Rémi Lefebvre, qui me disait que le taux de notoriété de son maire, quand on interrogeait des gens dans la rue et on leur disait « Mais est-ce que vous connaissez votre maire ?» En 2018, il n'y en avait plus que 51% des gens qui étaient capables de citer le nom de leur maire. N'oubliez pas, 1800 habitants en moyenne en France. Hein, petite taille. Malgré ça, 51%. C'était plus de 90% il y a 20 ans. Donc c'est pour ça que je parle de... On se détourne de la démocratie, on ne se préoccupe plus, et jusqu'à ne plus connaître le nom de son maire, y compris dans des villes petites. Et je ne parle pas de Damien Castelin, qui l'est connu plutôt sous ces choses scandaleuses, plutôt que comme président de la communauté. Oui, c'est un drame. Il se trouve que nous, on a sorti le scoop auquel vous faites référence, où on a récupéré 200 de ses factures et qui a montré qu'il utilisait les frais de la collectivité pour des dépenses personnelles, des dépenses privées. Donc depuis, il y a une enquête pour détournement de fonds publics qui est ouverte. Et du coup, il est plus connu pour ça, le pauvre, que pour sa politique. Mais c'est bien la preuve, par contraste, que si on ne le connaît pas, c'est que la maison, elle est close, elle est cloisonnée, elle ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas normal qu'il ne se montre pas davantage. Ce n'est pas normal qu'il n'ait pas répondu à notre invitation, par exemple, à discourir sur son projet métropolitain, puisqu'il est candidat à un deuxième mandat. Oui. Il n'a pas répondu à notre invitation à l'École supérieure de journalisme de Lille. Donc, vous comprenez que c'est malsain. On ne peut pas vivre dans un blocos. La Melle, la rue du Ballon, siège de la Melle, n'est pas un blocos. Ça devrait être une maison ouverte. On est en démocratie. On sait, avec René, pour s'être cassé les dents, à essayer de manifester devant la Melle. Oui. Le vendredi après-midi. Et entre autres, notamment avec le collectif Eau, justement par rapport à la question de la gestion de l'eau. Où, au bout d'un moment, parfois, au début, ils nous laissaient rentrer, puis à la fin, on restait là sur le parvis. Quoi. Un mot peut-être pour terminer. Ces listes citoyennes, vous les situez comment ? Enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, on est bien d'accord. Mais Marcel Foucault disait, donc le directeur du CVPOF, disait que les listes citoyennes, ça existe depuis longtemps, mais dans les petites communes. La nouveauté, c'est que ça apparaît dans les grandes communes, notamment à Toulouse. C'était un exemple intéressant. Donc, effectivement, il y a une sorte de multiplication des listes citoyennes, modeste, hein, ça doit être à peu près 200 sur 35 000 communes. Mais effectivement, dans des grandes villes comme Chambéry, Toulouse, et j'en oublie... Bon, c'est une belle initiative, c'est une tentative de dépasser les clivages. C'est très difficile au niveau local parce qu'il faut réunir une majorité quand même. Du coup, on est souvent lesté par des jeux d'appareil. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sincères dans leur approche. Après, ils doivent être confronté aux réalités, et donc les jeux d'appareil. Il faut suivre ça attentivement. Il y a beaucoup de belles idées, de bonnes idées. C'est pas encore gagné, hein. Mais c'est à observer de près. Et puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, moi j'invite tous les auditeurs à regarder les 25 mesures qu'on propose, parce qu'au moins ils réfléchiront à la démocratie, c'est un beau sujet de débat. Ils peuvent signer, parce que c'est ouvert à la signature. Donc allons-y, quoi. Et on ne va pas lâcher le morceau, parce que je le répète, la démocratie, c'est notre joyau, donc il faut le polir, il faut s'en préoccuper, et c'est pour ça que j'ai répondu avec plaisir à votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, en effet, Monsieur Transo. Et on retient effectivement ce que vous dites. Je pense effectivement, c'est pas le hasard si effectivement signez-nous à Tacklil le manifeste. C'est vraiment un outil de débat tout à fait intéressant. Voilà, je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci. MARSEI 2LE est à la rue. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du crabe. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée. Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille city en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit déliment, je longue peine aux gommettes ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la ville du bled. Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours assemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de MARSEI 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien hub. Choque des cultures 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, compte ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. Ma zone c'était pas que livrée. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Vers l'âge 16, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le chip. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavanent les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Donc c'était Kenyarkana, capitale de la rupture, donc qui fait référence à Marseille qui a été capitale de la culture. Des choses à ajouter du coup sur cette thématique puisqu'on a un petit peu de temps. Christian, il arrive. Oui, bah, peut-être, juste, c'est peut-être une question que j'aurais pu poser, mais on était limité par le temps. Justement, nous, en France, on a choisi les intercommunalités, alors que chez nos voisins européens, c'est plutôt carrément la fusion de communes. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est mieux, moins bien ou... Je peux répondre oui. En l'absence de... ça existe la fusion de communes de plus en plus en France, mais c'est pour toutes les toutes petites communes. Oui. Et on arrive à un concept nouveau depuis juillet 2019 de communes chef-lieu. en fait. Bon, voilà. Et ça reste un problème qui est cucugnant, quoi, en fait. Le fait de... On s'adresse au maire parce que c'est son maire, et puis point, quoi. On va pas s'adresser au maire d'à côté. Mais il faudra longtemps, j'ai l'impression, pour changer cette habitude, qui n'est pas la pire. Hein. Je crois que c'est Tocqueville qui dit que le berceau de la démocratie, c'est la commune, quoi. Hein. Oui. On peut discuter oui, par égal. Mais en Belgique, c'est carrément des communes qui disparaissent, quoi. Enfin, qui sont absorbées. Qui sont rattachées à la ville centrale, comme la, autour de Tournai. Tous les petits villages, maintenant, c'est Tournai. Ouais. Ils gardent leur nom, bien sûr, mais... Et en France, enfin, il y a eu des fusions de communes, du coup, en France. Oui, il y a eu des fusions de communes. Et comment c'est accueilli, en fait On ne leur pose pas la question. Oui, c'est toujours le problème. Parce que c'est une question qu'on aurait pu également poser. Les intercommunalités se sont faites à la hallebarde, ici. Mmh. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais dans le conseil... Enfin, peu importe. J'étais à la maison de l'emploi qui est à Ronchin, c'était très compliqué, quoi. Les maires étaient réticents. Et maintenant, les cinq communes dont tu parlais, qui vont regagner la communauté urbaine, enfin, je dis toujours, qui vont regagner la métropole, ces cinq communes, elles ont résisté pour ne pas être dans la communauté urbaine, pour avoir une autonomie, mais qu'ils n'auront plus, de toute façon. Ou alors... Avec l'autonomie dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie des maires qui vont avoir, pour des communes de, je ne sais pas moi, 1 000, 2 000 habitants, un pouvoir qui est exorbitant par rapport à celui de Martine Aubry ou de Guillaume Delbarre. Mmh. Hein? Mais ça, c'est un véritable problème qui n'est pas soulevé. Mais du coup, les intercommunalités en France, est-ce que c'est une façon de faire une fusion des communes sans le dire, Bien sûr. Ouais. Bien sûr. A fortiori, si elles sont élues au suffrage universel. Parce que ce qu'on n'a pas dit, par exemple, sur Lyon, Lyon a le statut de département. Paris aussi, d'ailleurs, c'est dit en passant. Hein. Oui, parce que c'est une collectivité territoriale. Aussi, non, il n'y a que Lyon, je crois, en France. Oui, il n'y a que Lyon. Et en revanche, donc, le Grand Lyon groupe, je ne sais plus, une quarantaine de communes, la moitié de Lille, hein, entre parenthèses, la moitié de la métropole lilloise. Et le reste du département est un autre département. En fait, ils ont coupé en deux pour avoir un espèce de pouvoir plus important. Ce que je ne sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment le pouvoir d'un département? Le Grand Lyon a-t-il vraiment le pouvoir d'un département? Ça, je ne sais pas. Bon, du coup, on passe aux actualités d'attaque. S'il y a quelque chose d'autre. Sauf s'il y a Juste sur Marseille, c'était pas par rapport à Lyon, c'était pas. On n'allait pas vers quelque chose d'approchant, non? C'est pas. Mais après, est-ce que c'est le. Non, c'est la communauté urbaine. Je ne connais pas d'autres. Là. Est-ce que c'est pas l'objectif de toute la métropole de devenir comme la métropole de Lyon, donc une collectivité territoriale qui remplace le département? Avec les problèmes que l'on sait, à savoir ce qu'a dit Jacques Transeau, c'est-à-dire une résistance au Sénat, pour qui le territoire, c'est son domaine de prédilection, et l'Association des maires de France. Moi, je trouve très intéressant quand même, pour certains aspects critiques, le débat jeudi soir avec les élus dont il a été question. Il y avait des éléments très intéressants. Daubresse parlait de consensus. Ça marche toujours par consensus. Critique, parce que quand tu fais du consensus, tu fais pas du dissensus. C'est-à-dire que tu fais pas de politique, en fait. C'est ça, vraiment, le problème. Elgest disait c'est un formidable outil technique. Mais on s'en fout que ce soit un technique. C'est pas la technique qui nous intéresse. C'est précisément la politique. Et puis enfin, je crois que c'est Segar. C'est pas Segar, c'est Richir, qui disait qu'un vice-président de la communauté urbaine a moins de pouvoir qu'un adjoint. Alors, mais qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, c'est parce que le vice-président, c'est un maire. Ouais. Donc, tout ça pousse à dire que c'est certainement pas un outil démocratique dont on a besoin pour 1 100 000 habitants. Bon. René, actualité d'attaque. Bien. Alors, au plan national, déjà. Comment trouver 12 milliards d'euros sans retarder l'âge de départ à la retraite? Alors, jeudi 30 janvier, s'est ouverte la conférence de financement sur les retraites. L'objectif affiché par le gouvernement est de combler le déficit estimé à 12 milliards d'euros en écartant toute hausse ou modification de l'assiette des cotisations. L'exécutif a tracé la voie privilégiée, bien sûr, c'est retarder l'âge de départ à la retraite. Pourtant, d'autres solutions existent. Attaque France et la Fondation Copernic ont publié un rapport qui montre qu'un potentiel de financement de plus de 46 milliards d'euros par an pourrait être dégagé. Une somme qui permettrait non seulement de compenser le déficit passager du système actuel, mais de l'améliorer considérablement en annulant des mesures régressives prises par les gouvernements précédents et en créant et en finançant de nouveaux droits. Et les retraites, ça continue. Oui. Alors, toujours sur les retraites, appel pour un comité de soutien aux mobilisations sociales. Plus de 200 personnalités appellent à une assemblée populaire contre la réforme des retraites le 17 février, alors que commence l'examen du projet à l'Assemblée nationale. Des journées d'action et de grève sont également prévues le 20 février et le 8 mars. Et aussi, à signaler, la pétition lancée par le journal L'Humanité, Didier va nous en parler un peu. Oui, donc c'était dans L'Humanité du 10 février dernier, donc une pétition pour... on estime que si le projet du gouvernement est aussi intéressant, brillant, séduisant qu'ils le disent, ils ne doivent pas avoir peur de le soumettre à référendum. Donc c'est une pétition pour demander un référendum sur la contre-réforme des retraites. Donc qui peut être signé sur le site de L'Humanité, mais qui est aussi relayé par le Change.org, le site Change.org. Et en deux jours, il y avait quelque chose comme 15 000 signatures, ce qui montre quand même que l'initiative a tendance à prendre. Je ne sais pas où on en est maintenant, mais c'est quand même quelque chose qui est à suivre en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait, Thierry. Mais tout à. Et oui, Jean-Michel. Ouais. Non, parce que je pense que s'il y avait un référendum sur ce coup-là, il y aurait plus de monde que pour la signature de l'ADP. Absolument. Et pour les deux ou trois auditeurs de Radio Campus qui n'ont pas voté contre la privatisation des ADP, je vous invite à le faire. René, on t'a interrompu. Non, c'est pas grave. Alors, autre point, le forum de Davos attise l'incendie planétaire. Pour ses 50 ans, le Forum économique mondial réuni à Davos publie un manifeste qui glorifie le rôle des entreprises multinationales en les dédouanant de toute responsabilité historique dans l'aggravation du réchauffement climatique, la montée des inégalités ou l'évasion fiscale généralisée. Est-ce possible? Oui. Attaque France, en partenariat avec l'Observatoire des multinationales, publie, à contrario, une note qui révèle notamment qu'entre le 1er janvier 2020 et l'ouverture du forum de Davos, un mois après à peu près, les patrons du CAC 40 ont déjà empoché 8 fois ce qu'un salarié français gagne en moyenne pendant une année. Rappel, en 1971, lors de la première rencontre à Davos, les inégalités de revenus dans les pays riches allaient de 1 à 20. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, elles sont de l'ordre de 1 à 400. Les mêmes qui s'accaparent ainsi les richesses sous forme de dividendes ou de rémunérations astronomiques peuvent-ils prétendre aider à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux qu'ils ont eux-mêmes créés ? Le CAC 40 pourra-t-il encore longtemps prétendre se soucier du climat et de la cohésion sociale alors qu'il continue dans le même temps à supprimer des emplois en France, qu'il a produit près d'un milliard de tonnes de déchets en 2018, un chiffre en hausse de 17% par rapport à l'année précédente, et que moins d'un tiers des grandes entreprises françaises a effectivement réduit ses émissions de CO2 depuis la COP21 en 2015? Oui, alors donc effectivement, Davos, on sait très bien, c'est un véritable problème. Ces grandes banques qui continuent de financer les industries extractives, et c'est là qu'ils mettent essentiellement leur pognon quand même. Oui, il faut quand même oser sortir un document qui les dédouane de toute responsabilité. Enfin, c'est vraiment... bon. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le Green Deal européen. Est-ce que c'est un greenwashing institutionnalisé ? Parce que le mercredi 12 février, une majorité de députés européens a successivement voté en faveur de nouveaux accords de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et le Vietnam, et aussi pour le financement de 55 nouveaux projets gaziers en Europe. Ah oui, c'est 55 projets, nouveaux projets gaziers. D'accord. Gaziers. Ces deux votes sont manifestement à la fois contraires au Green Deal récemment présenté par la Commission européenne, notamment sa nouvelle présidente Ursula von der Leyen. Voilà. Et aux engagements pris par le Parlement européen lui-même. Loin de la profonde mutation annoncée, le Green Deal européen n'est apparemment qu'un pâle ripollinage en vert des classiques et surannées politiques néolibérales et productivistes menées à Bruxelles. Enfin, Fossil Free Politics. Pour bannir l'industrie fossile et ses lobbyistes de nos processus de décision publique. En Europe, plus de 200 organisations sont à l'origine d'un appel visant à libérer la fabrique des politiques publiques européennes et nationales de l'influence de l'industrie fossile. Donc ça s'appelle Fossil Free Politics, comme je l'ai dit. Attac France est l'une des associations signataires de cette campagne. Ok, mais j'ai loupé ce truc-là. C'est une information fort intéressante. Sur le site d'Attac France, on peut... Oui, ben oui, j'imagine, oui. Alors, au plan local... Alors, par rapport à la gratuité du collectif Gratuité des Transports, bilan de la soirée échange de savoir du 6 février à l'Université populaire citoyenne de Roubaix, il y avait une quarantaine de personnes présentes. Christian, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, on a fait le point peut-être avec Didier aussi. Hein. On a fait le point sur l'état de nos travaux, parce qu'il faut les appeler comme ça, travaux militants bien entendu. On a investi depuis maintenant décembre le quartier Cudefour à Roubaix pour faire signer une pétition qui est une demande de référendum local d'initiative citoyenne au maire pour pousser le maire à faire des transports gratuits dans sa ville. Il y a un mot, Didier ? Oui, c'est une mobilisation quand même assez... je ne vais pas dire exemplaire, mais elle est quand même intéressante. Dans la mesure où on part d'un quartier, on s'adresse aussi au pouvoir public, on s'adresse à la population à travers des pétitions. Donc c'est quand même quelque chose qui va un peu dans tous les sens, avec le travail en lien avec l'université aussi. Donc on essaye aussi d'amener une certaine expertise sur le sujet. Bon, le débat à Baraka, comme tu en as parlé, a quand même amené pas mal de gens, avec un débat très clair et des interventions intéressantes. Enfin, je crois qu'on est là sur quelque chose qui est très, très porteur et qui devrait aboutir quand même à quelque chose. Alors, excuse-moi, est-ce que votre travail a donné lieu à un écrit, par exemple, rapidement ? Est-ce que est-ce qu'il y a une... Pour l'instant, non, il n'y a pas d'écrit, mais okay. On pourrait... de toute façon, on fera un écrit. C'est à faire, de toute façon. C'est à faire. Et on te donne rendez-vous le 7 mars au quartier du Cudefour, voilà. Au centre social. Une réunion publique. 10h. D'autres points. Alors, le Parc Saint-Sauveur. Donc, le 4 février a eu lieu une réunion de bilan et d'information. Là, actuellement, on diffuse le manifeste auprès des événements, et notamment des événements manifestations culturelles, avec en ligne de mire, bien sûr, les municipales. Le collectif O a également réactualisé son manifeste de 2012, accompagné d'un questionnaire à destination des élus. Il faut encore faire diffuser. Oui, ouais. On va laisser la place à Laurent. Oui. Alors, conférence gesticulée, notre alimentation symbole d'un malaise social. Donc, c'est l'histoire d'une cuisinière qui l'est devenue par passion et pour changer les choses de l'intérieur. L'histoire d'un constat effarant sur le milieu de la cuisine, la qualité des matières premières et l'accès alimentaire pour tous. C'est aussi l'histoire de notre rapport à la nature, de l'effet sociétal du capitalisme sur ce qu'on mange et de la dévalorisation des professions qui pourtant ont un rôle central, primordial, nous nourrir. C'est enfin l'histoire de la création de notre propre métier avec les contraintes quotidiennes associées et des valeurs à défendre. Donc c'est le jeudi 20 février à 17h30 au bar Le Ici, 10 rue Inkermann à Lille. Projection, respirez, vous êtes cerné à la reconquête de l'air, Lillois. Le film, réalisé en 2009, fait le point sur la situation de la qualité de l'air dans la région lilloise et les diverses actions pour l'améliorer. Comment fonctionne la pollution ? Où se situent les dangers réels, à l'extérieur et à l'intérieur ? Quelles solutions mettre en œuvre ? Comment agir ? Et sommes-nous prêts à le faire ? Donc c'est le jeudi 20 février au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Entrée dans la monnaie libre. La monnaie libre, JUNE, est une alternative monétaire, égalitaire où chacun reçoit chaque jour son dividende universel, juste parce qu'il existe. Donc rien à voir avec la Bitcoin. Venez découvrir le réseau et vous inscrire à la coroutine 16 allée de la Filature, le mardi 25 février à 19h, et pour terminer, nationalisme régionaliste, invention du 19e siècle. Donc c'est une conférence-discussion avec Sylvie April, enseignante-chercheuse à l'Université de Paris-Nanterre. Donc ça parle du regard des expressions du nationalisme dans l'Europe actuelle et qui nous invite à relire la manière dont ces enjeux historiques et géographiques sont nés au 19e siècle. Donc ça sera le samedi 14 mars à 15h à la médiathèque du Vieux-Lille, place Louise de Bettigny. Oui, et on termine là-dessus. Et merci Florent, on a terminé. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Des vacances aussi pour certains. Et on se retrouve donc dans le troisième samedi du mois de mars. Le troisième samedi du mois de mars, exactement.